swag. Anjo, shucks. Mayana, Komoria swag. Mayana in a swag, Mayana in a swag, Mayana in a swag, Mayana in a swag, Mayana in a swag, Mayana in a swag, Mayana in a swag, Mayana in a swag. Gucci, Gucci, Gucci, fresh. Wa michi ya Louis, Louis, Louis, nice. Tinafu ya Bugatti, fly, fly. Jile tiyo mayana, kamsoni wona. Mawore number one, mawore ina swag, swag, swag. Swag, swag. Anjo ana swag. Mayana ina swag, mayana ina swag, mayana ina swag, mayana. Authentique dans mon flow, c'est ma voix. J'ai le son qui tue qui fait boum boum boum. Bienvenue dans nos îles tropicales. Tropicale, la chaleur tropicale. Comorina Zaliwa, senti pia pia. Comorina Ridu Sami, mano, senti pia pia. Comorina Zaliwa, senti senti pia. Comorina Ridu Sami, mano, senti pia. Vas-y. Allez, 06 26 85 09.